Chapitre 7. Les événements qui, depuis 5 ans, heureux ou sinistres, sinistres plus souvent qu'heureux, marchaient avec tant de rapidité à Epstein, se ralentirent un peu après cette solennelle apparition d'Albine. Depuis cette lugubre nuit de Noël, le séjour du château était devenu tout à fait insupportable au comte Maximilien. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, croyant entendre des pas dans l'escalier de la muraille. Le jour, il tressaillait chaque fois que Wilhelmine et son nourrisson se rencontraient sur son passage. Enfin, il n'y put tenir et prit la fuite devant ses remords. Un matin, il demanda sa voiture et, une heure après, il était en route pour Vienne, emmenant son fils Albert. C'était sur ce fils aîné que se concentraient désormais toutes les espérances et toute la tendresse du comte. Cet enfant, du moins, était bien le sien, et Maximilien aimait à se répéter que, de naissance et de droit, il serait un jour le chef de la maison d'Epstein, qu'il continuerait l'ambition et qu'il succéderait au titre de son père. Le comte avait résolu de faire donner à Albert l'éducation la plus complète et la plus brillante, éducation de gentilhomme, d'officier et de diplomate surtout. Au reste, ce fils chéri unique, car son frère cadet ne comptait pas, n'avait pas trop perdu non plus que son père à l'alliance avec les Schwalbach. Alliance malheureuse sans doute au point de vue du foyer, mais avantageuse par ses résultats politiques. Les Schwalbach étaient tout-puissants et fort bien apparentés. Tout ce qu'on savait à Vienne de la triste fin d'Albine, c'est qu'elle était morte en couche. Et on plaignait fort ce pauvre comte, veuf une seconde fois après 2 ans de mariage. « Qu'est-ce après tout qu'un déshonneur qu'on ignore ?» se disait Maximilien. Et, comme avec cela sa conscience était un peu sourde, il ne tarda pas à s'étourdir dans tous les plaisirs bruyants de la cour et dans tous les projets de grandeur qu'il formait pour lui et pour son Albert. Quant à l'étranger, quant à Everard, c'est le nom sous lequel le chapelain avait baptisé le fils d'Albine, le comte d'Epstein ne s'en souciait guère, et il n'y pensait pas plus qu'à son frère Conrad, à sa première femme et à Gretchen. Un bruit complaisant s'était répandu à Vienne. La santé délicate de l'enfant exigeait, disait-on, qu'on le laissât dans l'air pur des montagnes. Nouveau sujet, par conséquent, de s'apitoyer sur ce malheureux père forcé de se séparer de l'un de ses fils. Heureusement, tandis que Maximilien recevait ses compliments de condoléances et s'appuyait de toutes ses forces sur les parents d'Albine, Everard avait trouvé une mère. Wilhelmine relisait chaque jour la lettre de la comtesse et exécutait pieusement le testament sacré de sa bienfaitrice. Acceptée comme nourrice par l'indifférent dédain du comte, elle avait, dans une exagération de sentiments propres aux âmes généreuses, donné plus de soins, sinon plus d'amour, au fils d'Albine qu'à sa propre fille. Au bout de 7 mois, elle avait sevré sa petite Rosemonde, mais jusqu'à 1 an et plus, elle continua d'allaiter l'enfant adoptif de son cœur. « Écoute donc, Jonathas, » disait-elle à son mari, un peu jaloux de ses préférences. « Notre fille est notre fille, et nous n'avons à en répondre à personne. Mais ce pauvre orphelin, qui n'a que nous et Dieu, si nous le négligions quand sa mère est morte et quand son père l'oublie, qu'est-ce que penserait madame ? Et puis, il est si faible, le cher petit, tandis que Rosemonde est forte et bien portante. » Wilhelmine fut donc pour Everard la mère la plus tendre et la plus dévouée, et hormis le soir fatal où elle fut forcée de le laisser pour soigner son mari blessé, elle ne le quittait jamais plus d'un quart d'heure. Grâce à ses soins de tous les instants, L'enfant vint si bien que c'était merveille, et il y avait plaisir à les voir Rosemonde et lui, blanches et charmantes créatures, s'ébattre sur le gazon. Des années s'écoulèrent, et les goûts d'Evrard se développèrent un peu sauvages et assez peu studieux. Il apprit bien, en même temps que sa sœur de lait Rosemonde, à lire et à écrire. Mais comme Rosemonde n'apprenait pas le latin ni l'histoire, il ne voulut pas entendre parler de l'histoire ni du latin, que dont Aloysius le chapelain tenait fort à lui enseigner. Il aimait beaucoup mieux courir dans les bois avec Rosemonde, ou suivre de ses petites jambes Jonatas à la chasse, ce qui n'empêchait pas que ce ne fût un grand bonheur pour lui d'écouter le soir, assis près de Rosemonde au pied de Wilhelmine qui filait, quelque histoire de revenant ou de fée contée par Jonatas ou par le vieux Gaspard. Au reste, si l'éducation de l'esprit lui manquait, celle du cœur, celle que sa mère avait demandée pour lui à Wilhelmine, lui était largement donnée. D'abord, il n'y avait qu'à regarder faire la sainte femme du garde-chasse pour s'instruire en douceur et en piété. Puis, soir et matin, dès qu'Evrard fut en âge de comprendre, Wilhelmine le mena faire sa prière dans les caveaux funéraires du château sur le tombeau de sa mère, et la prière achevée, elle lui parlait de l'ange qu'il avait perdu sur la terre, mais qui veillait encore sur lui dans le ciel. « Songez, Evrard, lui disait-elle, que votre mère vous voit, vous suit sans cesse, qu'elle est présente à toutes vos actions, qu'elle sourit de vos bonnes pensées et pleure de vos fautes. Songez que son corps est dans le tombeau, mais que son âme est partout où vous êtes. » L'enfant s'efforçait alors d'être sage et docile afin de faire sourire sa mère. Quand il avait commis quelque délit de son âge, il rougissait et se retournait comme s'il allait rencontrer le regard triste de son invisible témoin. Cette pensée devint pour lui une seconde religion. Sa jeune imagination, frappée, crut même voir plus d'une fois, ou qui sait, vit peut-être dans le silence de la nuit une ombre blanche qui ne lui faisait pas peur, debout à côté de son lit, le contemplant avec amour, et il tendait ses mains vers elle. Mais elle lui disait « Dors, mon Evrard, dors, le sommeil est bon aux petits enfants. » Et il se rendormait doucement, et ces nuits-là, il faisait les plus charmants rêves. Le lendemain, il ne manquait pas de tout raconter à Wilhelmine, et Wilhelmine ne le détrompait pas. Elle ne voyait pas de danger à cela, la digne femme, et y en avait-il réellement? Où était le risque pour cette jeune âme de croire à la présence d'une céleste gardienne de son enfance? Wilhelmine, d'ailleurs, y croyait la première. « Madame a dit, pensait-elle, qu'elle ne quitterait ni la nourrice ni le nourrisson. » Bien souvent, il lui arrivait de parler tout haut à la trépassée et de lui demander aide et conseil. Evrard s'accoutuma à son exemple à l'invoquer, et il disait « ma mère » comme on dit « mon Dieu ». La morte vivait toujours dans ses deux cœurs. Nous ne parlons pas de la petite Rosemonde, elle devenait pourtant, en grandissant, jolie comme les amours et bonne comme les anges. Gracieuse et tendre créature, elle était toute gentillesse et toute douceur. Évrard l'adorait et lui cédait en toutes choses. Wilhelmine pleurait de joie en voyant le dimanche à la chapelle ses deux enfants agenouillés à quelques pas devant elle et priant pour elle qui priait pour eux. Le comte Maximilien resta 7 années absent. La politique l'avait pris dans son tourbillon. Au bout de ce temps, il vint passer 15 jours à Epstein, non pour voir son fils, mais pour toucher les fermages et renouveler les baux. C'est à peine s'il demanda à voir Evrard. Il n'avait Dieu que pour son Albert, qui du reste lui ressemblait en tout et qui joua mille méchants tours à son frère et aux gens du château. Le chapelain crut devoir faire part au comte de la résistance d'Evrard à tout enseignement. « Mais, mon Dieu, laissez-le !» dit Maximilien au grand étonnement de Don Aloysius. « Laissez-le, qu'il fasse ce qu'il voudra et qu'il devienne ce qu'il pourra, peu m'importe. Qu'a-t-il besoin de savoir quelque chose, étant destiné à n'être rien ?» Au bout d'une semaine de séjour au château, le comte Maximilien repartit pour Vienne avec Albert. Deux autres années passèrent encore calmes et heureuses sur la maison du garde-chasse, que les deux enfants égayaient de leurs francs rires et parfumaient de leurs haleines pures. Évrard et Rosemonde avaient chacun 10 ans. La douleur annonça son retour à Epstein par la mort presque subite de Don Aloysius. Le vénérable vieillard, chargé d'ans et de vertus, s'éteignit doucement en feuilletant un in-folio sur lequel on le crut endormi, tandis qu'il était mort. Ce fut le premier chagrin d'Evrard qui ne put s'empêcher de pleurer le cher maître qui n'avait été pour lui que trop faible et trop indulgent. Cette douleur, hélas, n'était rien à côté de celle qui l'attendait, le pauvre enfant. Don Aloysius avait fourni une longue carrière, après tout. Sa mort était dans le cours naturel des choses, et il restait le dernier survivant de tous les siens. C'était le contemporain du vieux comte Rodolphe et de la vieille comtesse Gertrude, qui dormaient déjà depuis 10 ans dans leur tombeau. Ils fermaient l'ère des ancêtres. Mais Wilhelmine la Bonne, l'utile ménagère, sa jeune vie n'était-elle pas nécessaire encore à 2 enfants? Ne tenait-elle pas aux entrailles de toute sa famille? Dieu rappela pourtant à lui la femme de 29 ans, presque en même temps que le vieillard de 80. On mourait jeune dans la famille de Wilhelmine. Sa mère s'était de même prématurément éteinte, comme aussi sans doute sa sœur Noémie. Et Wilhelmine alla les rejoindre, ainsi que sa maîtresse qu'elle avait servie si fidèlement jusque dans la tombe. Depuis longtemps, au reste, sa santé avait donné de graves inquiétudes. Toute blonde et rose qu'elle était, dont Aloysius avait reconnu chez elle les symptômes de la maladie des corps faibles et des cœurs tristes. Depuis longtemps, Wilhelmine devenait plus pâle de jour en jour, et cependant, de jour en jour, à la moindre émotion qu'elle éprouvait, de plus vives rougeurs passaient sur son visage. À chaque automne, elle s'affaiblissait sensiblement. On eût dit que, vivant de la même vie que les fleurs, elle devait disparaître avec les lys dont elle avait la blancheur et la modestie, et avec les roses dont elle avait le pâle éclat et les parfums. À chaque printemps, comme si cette vie régénératrice qui se répand dans toute la nature s'épanchait aussi en elle, elle se reprenait à un mieux factice qui n'était qu'une fièvre plus ardente. Les deux enfants, ignorant les causes de cet état fébrile, la regardaient alors et lui disaient, en lui jetant leurs bras au cou, « Oh, comme tu es belle, petite mère !» Alors Wilhelmine souriait tristement, car elle ne s'abusait pas sur son état. Elle serrait ses chers enfants sur son cœur. Et lorsqu'il lui disait, en la regardant avec étonnement, « Pourquoi pleures-tu ?» Elle leur répondait, « Parce que je suis trop heureuse. » Cependant, vers le commencement de l'année 1802, Wilhelmine sentit à sa faiblesse croissante que le mal allait faire de plus rapides progrès. Alors, pour ne pas user le peu de force qui lui restait, Wilhelmine renonça aux longues courses dans la forêt, courses qui faisaient les délices des deux enfants. Elle se renferma dans sa chambre sans se plaindre, car une plainte d'elle eût éveillé des soupçons, et par suite la tristesse dans toute la famille. Elle se renferma, disons-nous, dans sa chambre, qui bientôt, sous ses mains, et avec ses rideaux blancs, ses rameaux bénis à Pâques, prit l'apparence de ses reposoirs qu'on élève dans les villages le jour de la fête Dieu, et où Dieu s'arrête un instant entre le parfum de l'encens et le parfum des fleurs. Seul de toute la famille, le vieillard, plus près de la mort lui-même, sentait que la mort venait. Dans les belles soirées de l'été, lorsqu'on attendait le retour de Jonatas et que le vieillard était assis devant la porte au dernier rayon du soleil couchant, regardant les deux enfants courir, cueillir les pâquerettes mêlées à l'herbe de la forêt ou poursuivre les insectes emportés par la brise du soir, Wilhelmine apparaissait tout à coup sur le seuil de sa porte comme une pâle vision, venait sans bruit s'asseoir aux pieds de son père et appuyer sa tête inclinée sur ses genoux tremblants. Alors, sans cesser de regarder le ciel, le vieillard laissait tomber sa main sur la tête de sa fille. Wilhelmine sentait frissonner cette main, et, sans changer de place, répondant à sa pensée muette par une parole à peine intelligible. « Que voulez-vous, mon père ? » murmurait-elle. « Ce doit être bon, puisque Dieu le veut ainsi. » Et le vieillard ne répondait pas, car un père ne comprend jamais que Dieu veuille que son enfant meure. Quant aux deux enfants, ils ne s'apercevaient de rien. Ils jouaient, ils chantaient, ils étaient heureux. Enfin, Jonatas remarqua à son tour la faiblesse de sa femme et la crainte le gagna. Il en dit deux mots à son père, qui alors lui apprit ce que depuis longtemps il avait deviné. Le lendemain, Jonatas partit comme s'il allait faire sa tournée dans la forêt, et vers le milieu du jour, il revint avec un médecin qu'il était allé chercher à Francfort. À cette vue, Wilhelmine frissonna, car elle comprit que son mari savait tout, et la pauvre femme souffrit de sa douleur. Avec des riches, le médecin eût dissimulé. Il eût donné des espérances pour se ménager une occasion de revenir. Mais les pauvres sont les favoris de la vérité. Le médecin dit tout. D'abord, Jonatas refusa de le croire. Il avait craint une indisposition, rien de plus. L'idée que sa chère Wilhelmine pouvait lui être enlevée au tiers de sa vie ne s'était jamais présentée à son esprit. Il examina alors la pauvre malade avec plus d'attention et il s'aperçut enfin des ravages affreux qu'avait déjà fait le mal. Alors, comme tous les hommes robustes et habitués aux fatigues physiques, mais dont l'esprit n'a jamais eu l'occasion de lutter contre les douleurs morales, Jonatas se laissa abattre tout à coup. Il passa le reste du jour et toute la soirée muet à regarder Wilhelmine. Toute la nuit, il veilla à côté de la chambre de sa femme. Puis, le matin venu, il décrocha son fusil, comme d'habitude, fit quatre pas hors de la porte, mais il n'eut pas la force d'aller plus loin. Il rentra, remit son fusil à sa place, et quand Wilhelmine se leva, chaque jour elle se levait plus tard, elle trouva son mari assis sur un escabeau devant la cheminée et la tête dans ses mains. La malheureuse femme s'avança droit à lui. « Que veux-tu, Jonatas ? » lui dit-elle. « Il faut du courage. » Jonatas voulut répondre, mais il sentit qu'il allait éclater en sanglots et il s'élança hors de la maison. À partir de ce moment, la vie du pauvre garde-chasse fut complètement désorganisée. Il sortait toujours le matin avec son fusil, mais il ne s'éloignait pas de la petite maison qu'il ne pouvait se décider à perdre de vue. Malgré les précautions qu'il prenait pour se cacher, Wilhelmine le voyait souvent passer dans quelque clairière, ou bien les deux enfants revenaient tout tristes, se tenant par la main et demandant à Wilhelmine « Petite mère, qu'a donc Jonatas ? Nous l'avons vu couché au pied d'un arbre, il pleurait. » Enfin, le moment vint où Wilhelmine cessa de se lever. Le soir seulement, au moment où le soleil se couchait, on ouvrait la fenêtre et la mourante souriait mélancoliquement à son dernier rayon. Alors tout le monde se rassemblait dans sa chambre. Les enfants apportaient de gros bouquets de fleurs qu'ils mettaient sur son lit. Jonatas apportait la Bible qu'il présentait à son père. Et le vieillard lisait quelque sainte et sublime histoire, tandis que Wilhelmine priait, que Jonatas pleurait et que les deux enfants faisaient silence, assis à côté l'un de l'autre, dans un fauteuil appuyé au lit de la malade. Un matin, Wilhelmine se sentit plus mal que d'habitude, et ce fut elle-même, ce jour-là, qui dit à Jonatas de ne pas sortir. Les deux hommes demeurèrent donc presque toute la journée auprès d'elle. Quant aux deux enfants, ils passèrent leur temps, comme d'habitude, à entrer et à sortir, emportant les fleurs fanées et rapportant des fleurs nouvelles. Plus Wilhelmine se rapprochait de la mort, plus elle aimait les fleurs. Depuis quelques jours, elle ne semblait plus vivre que de leur parfum. Le soir, la lecture eut lieu comme d'habitude, mais à la fin de la lecture, Wilhelmine s'évanouit. On s'en aperçut à un léger soupir. Jonatas s'élança près d'elle. Au premier moment, il la crut morte et jeta un cri. Wilhelmine entendit ce cri du fond de son évanouissement et rouvrit les yeux. Pauvre ami, dit-elle en tendant sa main froide et humide à Jonatas. Pauvre ami, et moi aussi, crois-moi, cela me déchire le cœur de te quitter si tôt et quand tu as encore besoin de moi, toi qui m'as tant aimé. Mais le Seigneur le veut. Sois ferme, sois homme. Par bonheur, le plus fort de ma tâche est accompli. Les enfants sont à moitié élevés et se portent bien. Je n'ai jamais trouvé le courage de me séparer de Rosemonde. J'ai eu tort. Et quand je n'y serai plus, mon ami, je te prie de la conduire à Vienne, au couvent du Tilleul sacré, où tu remettras à la supérieure la lettre de ma bonne maîtresse. On achèvera là d'élever notre enfant selon Dieu. N'y manque pas, entends-tu bien? Veille toujours sur Évrard, remplace-moi près de lui, et sa mère t'accompagnera partout comme elle m'accompagnait. Évrard, écoutez, vous aussi. Vous voilà grand et raisonnable, et vous irez bien sans moi prier matin et soir sur le tombeau. N'y manquez pas un seul jour tant que vous resterez ici, mon enfant. Respectez votre père, mais aimez votre mère. Je vous recommande votre sœur Rosemonde. Et toi, Rosemonde, ma fille, ne cesse pas d'être pieuse et charitable. Montre-toi digne de la sainte maison où tu vas entrer, et aie toujours devant les yeux l'exemple de la noble protectrice dont je t'ai si souvent raconté les vertus. Les enfants se mirent à pleurer, sans trop savoir ce que cela voulait dire, et parce que tout le monde pleurait. Wilhelmine se tourna ensuite vers Gaspard, debout derrière son mari, qu'il dépassait de toute la tête, immobile et calme, vieux chêne qui voyait périr tous ses rejetons. À vous, mon père, que dirais-je? À vous qui, douleur vivante, ensevelissez tous vos enfants. Dis-moi au revoir, ma fille, répondit gravement le vieillard, car c'est moi qui te rejoindrai le premier. Si mes vieilles mains doivent encore coudre ton jeune linceul, notre séparation du moins sera la moins longue, et la sainteté de ta mort m'est encore une consolation. Nous nous retrouverons aux pieds de Dieu, Wilhelmine. Je m'en irai tout à fait tranquille, hélas, si je savais que ta sœur Noémie a fait une fin aussi chrétienne, aussi pure que la tienne. N'en doutez pas, mon père, n'en doutez pas. Moi, je ne fais que mourir. Noémie avait souffert. Mais ne parlez pas encore de nous rejoindre, mon père. Vivez pour enseigner la résignation à Jonatas. Vivez pour veiller sur mes deux enfants. Ils n'ont que la vie pour vous avoir, eux. Et Noémie et moi, nous aurons l'éternité pour vous attendre. Puis, sentant qu'elle s'affaiblissait encore et voulant épargner à son mari la douleur de l'adieu suprême, Je sens que je vais un peu mieux, dit-elle. Retirez-vous, je voudrais dormir. Jonathas fit mine d'emmener les deux enfants. Non, laisse-les, dit Wilhelmine. Ils dormiront dans le fauteuil. La pauvre femme ne voulait pas mourir seule. Jonathas se retira, croyant véritablement au sommeil. Mais Gaspard découvrit la vérité. Il se pencha sur le lit de sa fille, la baisa au front et lui serrant les mains. « Au revoir au ciel !» lui dit-il. Wilhelmine tressaillit, puis, le plus bas qu'elle put, et pour que son mari ne l'entendît pas, « Adieu !» répondit-elle. Les deux hommes sortirent. Jonathas, écrasé de fatigue, s'endormit. Gaspard se mit en prière. Au bout d'une heure, n'entendant plus rien, il descendit, entr'ouvrit doucement la porte de la chambre. Wilhelmine semblait endormie. On eût dit une belle madone de cire couchée sur son lit couvert de roses. Elle tenait dans ses mains les deux mains réunies de Rosemonde et d'Evrard. Les deux enfants ne dormaient pas, ils regardaient. « Ô grand-père, dirent-ils en apercevant Gaspard, nous avons bien peur, va, petite mère ne nous répond plus, et sa main est si froide qu'elle glace nos mains. » Gaspard s'approcha du lit de sa fille. Wilhelmine était morte. Le lendemain, en revenant d'ensevelir sa femme, le bon Jonathas, plus faible que le vieux Gaspard, se laissa tomber à genoux à la place que sa femme occupait d'ordinaire. Tout à coup, il sentit de petits bras qui l'enlaçaient, et deux bouches roses se posèrent sur ses joues brunes et inondées de larmes. Il regarda les deux enfants et se trouva un peu consolé. Cette même année, le comte Maximilien d'Epstein eut aussi sa consolation. Il fut nommé conseiller intime.